Moi qui est dur comme un roc, qui veut être grand comme l'Everest, s'élever si haut, souvent rate sa vie. La vie c'est pas le shit, la vie c'est pas le fric, la vie c'est toi et moi, la vie c'est pas je nique les sœurs, je pleure pas, je suis insensible, mais dès qu'on touche mon point sensible, chaque fois je me sensible. Le monde est faux comme tes mensonges et tes promesses. Laisse-moi, je suis pas ton frère, je suis pas ton ro. Laisse-moi sur mon chemin, mec, laisse-moi vivre, laisse-moi car demain c'est mon tour d'être ivre. Je suis heureux quand mes potes le sont, je passe mes épreuves sains et sauf car je connais ma leçon, le son est mon sédatif et mon Kleenex quand je pleure, ma prise quand je suis naze et mon cœur. Ma place dans ce monde est comme une glace en cône et quand je me place dans ce monde c'est comme une classe en môme. Les frères ne sont pas nos amis, que la mort n'oublie personne à part les crêtes qui me restent en sursis. Et sache-le, les sages parlent, tant que les armes parlent, que les gens parlent. De banlieue, contentieux, ils savent. Sache, des millénaires, l'avenir, l'espace, le temps, comme la mer génère la force de l'air pour ces vagues au vent. Me donne autant de nerfs que les gens génèrent, autant de haine en conteneur. Je seul sais où font les frais, sache. Seul, le néo-blette poursuit sa route, parfait son art, car au courroux dans son arme et les chaos, je vis. Progresse sur mon parcours, la vie me laisse ce goût amer en guise de passe-tour comme passe-temps seul. Ma feuille ainsi que mon stylo apaise mon mal, puis fait du mal pour des mégots. Je pleure autant de larmes qu'il y a de salauds, autant de larmes qu'il y a de zéons qu'il y a. Ouais, blaireau, et sache-le, la mort omniprésente, l'avenir change de visage, t'es mort sans qu'on te demande un oui ou un non. Yo, tu sais ce qu'on présente, mon crew change de visage, et au bled reste à comprendre. Pour procréer, faut que je vive. Mais je dois trop créer pour survivre. Et je dois trop crier pour qu'on me suive. Laisse-moi, faut que je fasse ma route et creuse mon puits. Je coule comme une barque dans la mer et mes idées planent et décidées. Je blâme ma crise, la nôtre me rend vulgaire comme un cul car notre vie, une guerre quand mon stuge plane. Drogué, laisse-moi, faut que je gagne le sommet, je différencie plus le réel de mon saut. Mais laisse-moi car je peine à vivre. Mon âme, une colombe en cage tardive et la liberté. Merde, laisse-moi et fume ton shit et embarque ton cul et ta fierté. Je suis mon chemin, ma route montrée. Putain, si la vie est belle, me l'ont pas montré. Hey. Oh.